ailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Oui, salut, c'est de nouveau Juliette depuis Rouen et là je suis avec Élodie qui fait partie du cortège féministe et qui pourra nous parler de ça et puis aussi des tracts qu'elle est en train de distribuer pour une magnifique grève du 8 mars prochain. Bonjour, donc Élodie du collectif Droits des femmes de Rouen. Donc aujourd'hui on manifeste bien sûr contre la réforme des retraites et surtout parce que cette réforme ne va faire que précariser encore plus les femmes qui subissent déjà des différences de salaire allant jusqu'à 20% par rapport aux hommes. Et nous voilà, on se bat aussi pour organiser le 8 mars prochain une grève féministe, donc une grève des femmes qui serait à la fois une grève du travail mais aussi une grève du travail reproductif, du travail que toutes les femmes font aussi dans leur, chez elles, à la maison, avec les enfants, la charge mentale qu'elles ont en permanence. Et donc on veut que les gens prennent conscience et qu'il y ait une vraie, des vraies avancées dans ce domaine. Et alors ça va se passer comment cette grève des femmes concrètement ? Alors concrètement pour l'instant on est en train de l'élaborer là, donc par exemple mardi prochain, donc 14 janvier, on se retrouve à 18h30 au bar Rock'n'Bull à Rouen. On invite toutes les femmes et tous les alliés des féministes à y participer et voilà, on aimerait bien organiser. Alors comme c'est un dimanche, on va sans doute s'intéresser surtout au domaine professionnel dans lesquels il y a des personnes, des femmes qui travaillent le dimanche, donc l'hôtellerie, la restauration, le soin, voilà. Donc on aimerait bien construire ça avec toutes ces personnes. Et du coup, on rappelle qu'il y avait la première grande grève, enfin il y en a eu d'autres, Aristophane, il me semble. Oui, c'est ça, ouais. Grève du sexe. Pour, voilà, la grève du sexe pour arrêter la guerre, une grève pacifiste. Et sinon, l'année dernière, c'est en Suisse qu'a eu lieu une énorme grève des femmes qui a vachement bien pris. Oui, tout à fait, en Suisse et puis aussi dans plein de pays du Sud, en Espagne, il y a un très très gros mouvement tous les 8 mars. Dans les pays du Sud aussi, donc au Mexique, au Chili. Voilà, il y a des mouvements qui se sont créés depuis 1-2 ans et les femmes s'auto-émancipent, prennent tout ça en charge et il y a de plus en plus de monde dans les rues. On aimerait bien qu'en France ce soit la même chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie d'organiser quelque chose autour du 8 mars dès maintenant. Et il y a d'autres, vous êtes en lien avec d'autres collectifs, je suppose, féministes ailleurs qu'à Rouen ? Oui, fin octobre, on a participé à Toulouse à des rencontres nationales qui avaient justement pour thème la grève du 8 mars. Et donc, il y avait des féministes d'un peu partout en France. Et donc, le but, c'est de se réunir et de parler, d'échanger nos méthodes, nos outils pour construire cette grève. Et donc, par exemple, à Toulouse, elles arrivent à mobiliser pas mal de femmes pour ces grèves depuis quelques temps. Donc voilà, le but, c'est qu'on s'entraide, qu'on se montre les outils pour que ça progresse partout. Voilà, Toulouse qui va prendre l'antenne tout à l'heure de la centrale à partir de midi. Je vous rappelle plus tard, je vous tiens au courant de la suite. Merci beaucoup Élodie. Merci. Et plus tard, la centrale. Merci. De rien.